Les deux cousines arrivèrent sur la porte du boudoir au moment où la baronne venait de s'évanouir, et le cri poussé par Hortense suffit à la ranimer. La bête alla chercher les selles. Quand elle revint, elle trouva la fille et la mère dans les bras l'une de l'autre, la mère apaisant les craintes de sa fille et lui disant « Ce n'est rien, c'est une crise nerveuse. Voilà ton père, » ajouta-t-elle en reconnaissant la manière de sonner du baron. « Surtout ne lui parle pas de ceci. » Adeline se leva pour aller au-devant de son mari dans l'intention de l'amener au jardin en attendant le dîner, de lui parler du mariage rompu, de le faire expliquer sur l'avenir et d'essayer de lui donner quelques avis. Le baron Hector Hulot se montra dans une tenue parlementaire et napoléonienne, car on distingue facilement les impériaux, gens attachés à l'Empire, à leur cambrure militaire, à leurs habits bleus à boutons d'or boutonnés jusqu'en haut, à leurs cravates en taffetas noir, à la démarche pleine d'autorité qu'ils ont contractée dans l'habitude de commandement despotique exigée par les rapides circonstances où ils se sont trouvés. Chez le baron, rien, il faut en convenir, ne sentait le vieillard. Sa vue était encore si bonne qu'il lisait sans lunettes. Sa belle figure, oblongue, encadré de favoris trop noirs, hélas, offrait une carnation animée par les marbrures qui signalent les tempéraments sanguins, et son ventre, contenu par une ceinture, se maintenait, comme dit Brillat Savarin, au majestueux. Un grand air d'aristocratie et beaucoup d'affabilité servaient d'enveloppe aux libertins avec qui Crevel avait fait tant de parties fines. C'était bien là un des hommes dont les yeux s'animent à la vue d'une jolie femme et qui sourit à toutes les belles, même à celles qui passent et qu'ils ne reverront plus.